ce n'est pas mon temps à guetter les taxis, moi, j'ai passé mon temps à guetter les taxis, car j'ai passé mon temps à guetter les taxis sans récit. À qui appartient ce cheveu blanc sur ton veston, ces traces de rouge sur ta chemise, qui les a mises? Ce n'est pas vrai, moi, je riais dans les bras d'un minet. Et dire que pendant ce temps-là, je pleurais, et dire que pendant ce temps-là, je pleurais sans arrêt. Pour qui me prends-tu quand je suis sage comme une image? Toi, de ton côté, tu fais la fête, rien ne t'arrête. Ce n'est pas vrai, mais je vais te vrai, pardonner pour cette fois, mais je vais te paieras, pardonner pour cette fois, mais je vais te pardonner pour cette fois, je moi. Le crois. Mais je vais te pardonner pour cette fois, mais je vais te pardonner pour cette fois, mais je vais te pardonner pour cette fois, je le crois. Mais je vais te pardonner pour cette fois, mais je vais te pardonner.